Jérémie chapitre 11. La parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel, en disant, écoutez les paroles de cette alliance, et prononcez-les aux hommes de Juda, et aux habitants de Jérusalem. Tu leur diras donc, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoutera point les paroles de cette alliance, laquelle j'ai ordonnée à vos pères, le jour que je les ai retirés du pays d'Égypte, du fourneau de fer, en disant, écoutez ma voix, et faites toutes les choses que je vous ai commandées, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Afin que je ratifie le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays découlant de lait et de miel, comme il paraît aujourd'hui. Et je répondis, et dis, ainsi soit-il, ô Éternel. Puis l'Éternel me dit, crie toutes ces paroles par les villes de Juda, et par les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance, et les faites. Car j'ai semé expressément vos pères au jour, que je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, me levant dès le matin, et les semant, en disant, écoutez ma voix. Mais ils ne l'ont pas écouté, et n'y ont point incliné leur oreille, mais ils ont marché chacun suivant la dureté de leur cœur mauvais, c'est pourquoi j'ai fait venir sur eux toutes les paroles de cette alliance, laquelle je leur avais commandé de garder, et qu'ils n'ont point gardé. Et l'Éternel me dit, il y a une conjuration parmi les hommes de Juda, et parmi les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs ancêtres, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et qui sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont enfreint mon alliance, que j'avais traitée avec leur père. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais faire venir sur eux un mal duquel ils ne pourront sortir, ils crieront vers moi, mais je ne les exaucerai point. Et les villes de Juda et les habitants de Jérusalem s'en iront, et crieront vers les dieux auxquels ils font leur parfum, mais ces dieux-là ne les délivreront nullement au temps de leur affliction. Car, ô Juda, tu as eu autant de dieux que de villes, et toi, Jérusalem, tu as dressé autant d'autels aux choses honteuses, que tu as de rues, des autels, dis-je, pour faire des parfums à Baal. Toi, donc, ne fais point de requêtes pour ce peuple, et ne jette point de cris, ni ne fais point de prières pour eux, car je ne les exaucerai point autant, qu'ils crieront vers moi dans leur calamité. Qu'est-ce que mon bien-aimé a à faire dans ma maison, que tant de gens se servent d'elle pour y faire leur complot? La chair sainte est transportée loin de toi, et encore quand tu fais mal, tu t'égaies. L'Éternel avait appelé ton nom, olivier verdoyant et beau, à cause du beau fruit, mais au son d'un grand bruit il y a allumé le feu, et ses branches ont été rompues. Car l'Éternel des armées, qui t'a planté, a prononcé le mal contre toi, à cause de la malice de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qu'ils ont commise contre eux-mêmes, jusqu'à mériter en faisant des parfums à Baal. Et l'Éternel me l'a donné à connaître, et je l'ai connu, et tu m'as fait voir leurs actions. Mais moi, comme un agneau, ou comme un bœuf qui est mené pour être égorgé, je n'ai point su qu'ils eussent fait contre moi quelque machination, en disant, détruisons l'arbre avec son fruit, et l'exterminons de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais toi, Éternel des armées, qui juge justement, et qui sonde les reins et le cœur, fais que je voie la vengeance que tu feras d'eux, car je t'ai découvert ma cause. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, touchant les gens d'Anatote, qui cherchent ta vie, et qui disent, ne prophétise plus au nom de l'Éternel, et tu ne mourras point par nos mains. C'est pourquoi donc, ainsi a dit l'Éternel des armées, voici, je m'en vais les punir, les jeunes gens mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Et il ne restera rien d'eux, car je ferai venir le mal sur les gens d'Anatote, en l'année de leur visitation.